Comment il faut procéder pour apprendre au sujet à s'auto-suggestionner? Le principe de la méthode se résume en ces quelques mots. On ne peut penser qu'à une chose à la fois, c'est-à-dire que deux idées peuvent se juxtaposer, mais non se superposer dans notre esprit. Toute pensée occupant uniquement notre esprit devient vraie pour nous et a tendance à se transformer en acte. Donc, si vous arrivez à faire penser à un malade que sa souffrance disparaît, elle disparaîtra. Si vous arrivez à faire penser à un kleptomane qu'il ne volera plus, il ne volera plus, etc., etc. Cette éducation qui vous semble peut-être une impossibilité est cependant la chose la plus simple du monde. Il suffit, par une série d'expériences appropriées et graduées, d'apprendre pour ainsi dire au sujet l'ABC de la pensée consciente. Et cette série, la voici. Si on la suit à la lettre, on est sûr, absolument sûr, d'obtenir un bon résultat, sauf avec les deux catégories de personnes désignées plus haut. Première expérience préparatoire. Priez le sujet de se tenir debout, le corps raide comme une barre de fer, les pieds joints d'une extrémité à l'autre, en conservant les chevilles molles, comme si elles étaient des charnières. Lui dire de s'assimiler à une planche ayant des gonds à sa base et qu'on arriverait à mettre en équilibre sur le sol. Lui faire observer que, si l'on pousse légèrement la planche en avant ou en arrière, celle-ci tombe comme une masse, sans aucune résistance, du côté vers lequel on la pousse. Le prévenir que vous allez le tirer en arrière par les épaules et lui dire de se laisser tomber dans vos bras sans opposer la moindre résistance en tournant autour de ses chevilles comme charnières, c'est-à-dire ses pieds restant cloués sur le sol. Le tirer alors en arrière par les épaules et, si l'expérience ne réussit pas, la recommencer jusqu'à ce qu'elle soit réussie, ou à peu près. Deuxième expérience. Expliquez d'abord au sujet que, pour lui montrer l'action de l'imagination sur nous-mêmes, vous allez le prier dans un instant de penser « je tombe en arrière », etc. Qu'il ne doit avoir que cette pensée dans l'esprit, qu'il ne doit faire aucune réflexion, qu'il ne doit pas se demander s'il va tomber ou non, que s'il tombe, il peut se faire mal, etc., etc. Qu'il ne doit pas, pour vous faire plaisir, tomber exprès en arrière, mais que par contre, s'il ressent un je ne sais quoi qui l'attire, il ne doit résister, mais au contraire, obéir à l'attraction qu'il éprouve. Priez alors le sujet de lever fortement la tête et de fermer les yeux, placer le poing sous sa nuque, la main gauche sur son front et lui dire « pensez, je tombe en arrière, je tombe en arrière, je tombe en arrière, etc., etc. » Et en effet, vous tombez en arrière, etc., etc. En même temps, faire glisser la main gauche légèrement en arrière sur la tempe gauche, au-dessus de l'oreille, et retirer lentement, très lentement, mais d'une façon continue, le poing droit. On sent aussitôt le sujet esquisser un mouvement en arrière et s'arrêter dans sa chute ou bien tomber. Dans le premier cas, lui dire qu'il a résisté, qu'il n'a pas pensé qu'il tombait, mais qu'il allait se blesser s'il tombait. Cela est vrai, car s'il n'avait pas eu cette pensée, il serait tombé d'un bloc. Recommencez l'expérience en employant un ton de commandement, comme si l'on voulait forcer le sujet à vous obéir. Continuez ainsi jusqu'à réussite complète, ou presque complète. Une recommandation à faire à l'opérateur est de se tenir un peu en arrière du sujet. La jambe gauche en avant, la jambe droite portée fortement en arrière, afin de ne pas être renversé par le sujet quand il tombe. Si l'on négligeait cette précaution, il pourrait en résulter une double chute lorsque la personne est lourde. Troisième expérience. Faire placer le sujet en face de soi, le corps toujours raide, les chevilles molles et les pieds joints et parallèles. Lui placer les deux mains sur les tempes, sans appuyer, le regarder fixement, sans remuer les paupières, à la racine du nez. Lui dire de penser « je tombe en avant, je tombe en avant ». Et lui répéter en scandant les syllabes « vous tombez en avant », etc., sans cesser de le regarder fixement. Quatrième expérience. Priez le sujet de croiser les mains et de serrer les doigts au maximum, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se produise un léger tremblement. Le regarder comme dans l'expérience précédente et tenir ses mains sur les siennes, en pressant légèrement celles-ci comme pour les serrer plus fortement. Lui dire de penser qu'il ne peut plus desserrer les doigts, que vous allez compter jusqu'à 3, et que, quand vous direz 3, il devra essayer de séparer ses mains en pensant toujours « je ne peux pas, etc. » Il constatera que cela lui est impossible. Comptez alors 1, 2, 3, très lentement, et ajoutez immédiatement en détachant les syllabes « vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas », etc. Si le sujet pense bien « je ne peux pas », non seulement il ne peut pas desserrer les doigts, mais encore ces derniers se serrent avec d'autant plus de force qu'il fait plus d'efforts pour les séparer. Il obtient en somme le résultat contraire à celui qu'il voudrait obtenir. Au bout de quelques secondes, lui dire « maintenant, pensez, je veux », et ses doigts se desserrent. Avoir toujours soin de tenir le regard fixé sur la racine du nez du sujet, et ne pas permettre à ce dernier de détourner un seul instant ses yeux des vôtres. Si l'on voit que celui-ci peut détacher ses mains, ne pas croire que c'est sa propre faute. C'est celle du sujet. Il n'a pas bien pensé, je ne peux pas. Affirmez-le lui avec certitude et recommencez l'expérience. Employez toujours un ton de commandement qui ne souffre pas de désobéissance. Je ne veux pas dire qu'il soit nécessaire d'élever la voix. Au contraire, il est préférable d'employer le diapason ordinaire, mais de scander chaque mot d'un ton sec et impératif. Quand cette expérience a réussi, toutes les autres réussissent également bien, et on les obtient facilement en se conformant à la lettre aux instructions données plus haut. Certains sujets sont très sensibles et il est facile de les reconnaître à ce que la contraction de leurs doigts et de leurs membres se produit facilement. Après deux ou trois expériences bien réussies, il n'est plus nécessaire de leur dire « pensez ceci, pensez cela ». On leur dit par exemple, simplement, mais avec le ton impératif que doit employer tout bon suggestionneur, « fermez le poing, maintenant vous ne pouvez plus l'ouvrir. Fermez les yeux, maintenant vous ne pouvez plus les ouvrir, etc. » Et l'on voit le sujet dans l'impossibilité absolue d'ouvrir le poing ou les yeux malgré tous ses efforts. Lui dire au bout de quelques instants « vous pouvez ». Instantanément, la décontracture se produit. Les expériences peuvent être variées à l'infini. En voici quelques-unes. Faire joindre les mains et suggérer qu'elles sont soudées. Faire appliquer la main sur la table et suggérer qu'elle y est adhérente. Dire au sujet qu'il est collé à sa chaise et qu'il lui est impossible de se lever. Le faire se lever et lui dire qu'il est dans la possibilité de marcher. Placer un porte-plume sur une table et lui dire qu'il pèse 100 kg et qu'il lui est impossible de le soulever, etc. etc. Dans toutes ces expériences, je ne saurais trop le répéter, ce n'est pas la suggestion proprement dite qui détermine les phénomènes, mais l'autosuggestion consécutive chez le sujet à la suggestion du praticien. Nota : les instructions données ci-dessus ne sont destinées qu'au professeur. Il faut bien se garder d'essayer de faire soi-même ces expériences, parce que, généralement, on ne se met pas dans les conditions voulues et l'on ne réussit pas.